Des paroles s'élèvent contre Moïse, même de ceux qui marchaient près de lui. La jalousie mange la communion et la critique s'infiltre dans la nuit. On questionne l'appel autorité. On compare sans voir le fardeau. Mais toi tu descends dans la nuée pour rappeler ce que l'homme ignore d'en haut. Tu n'es pas un dieu de rumeur, tu es le dieu de la vérité. C'est toi qui défends tes serviteurs. C'est toi qui parles quand l'homme se tait. Tu vois ce que personne ne voit. Tu juges avec droiture et paix. C'est toi qui défends tes serviteurs. Même quand tout semble se retourner. Et dans ta justice miséricordieuse, tu sais aussi restaurer. Myriam est frappée de silence. 7 jours hors du camp pour apprendre. Mais même dans ta correction, tu laisses la grâce l'attendre. Le peuple s'arrête dans sa marche. Personne ne marche sans sa sœur. Car ta discipline vise toujours à guérir bien plus qu'à faire peur. C'est toi qui défends tes serviteurs. C'est toi qui parle quand l'homme se tait. Tu vois ce que personne ne voit. Tu juges avec droiture et paix. C'est toi qui défends tes serviteurs. Protège nos cœurs de la comparaison. Et apprends-nous à honorer tes appels. C'est toi qui défends tes serviteurs. C'est toi qui parles quand l'homme